Chapitre 32e. Pourquoi les bohémiens en voulaient à Sir Rupert Liesel. Le champ de course de Chilton est situé sur un vaste terrain, à 3 000 du village ou de la ville. C'est le rendez-vous favori des vagabonds et des bohémiens, mais il est très peu fréquenté d'ordinaire, si ce n'est par quelques fermiers revenant du marché de Chilton et voulant gagner un quart de mille en prenant par la côte, au sommet de laquelle se trouvait à en garder l'abri en lattes et en plâtre, auxquels les naïfs habitants du pays donnaient fièrement le nom de Grand Stand. Les courses avaient lieu au commencement d'août, le 1er et le 2 du mois. Les alentours commençaient à se peupler de tentes et de hangars, sous les toits peu élevés desquels un homme ne pouvait que ramper sur un lit de fougères et de ronces étendues sous la toile. Des chevaux mis hors de concours broutaient l'herbe humide, et des ânes mélancoliques erraient sous les haies pendant le jour et savouraient les verts herbages. Parmi les premiers qui déployèrent leurs tentes dans la plaine de Chilton se trouvait la troupe à laquelle John Andrews était associé. Ils arrivèrent à la nuit et choisirent un coin abrité loin de la route, un coin isolé et oublié loin de tout autre campement, et ne trahissant sa présence que par la légère colonne de fumée bleue qui s'élevait au-dessus du feu des bohémiens. « Peut-être aurons-nous beaucoup d'amis ici, » dit Abraham, quand lui et les autres eurent choisi la place. « Mais nous n'avons pas besoin de leur compagnie. Pour cette pauvre fille, il vaut mieux rester séparés. » La pauvre fille était celle qu'on appelait Britannia. Une ou deux fois, John Andrews avait essayé sournoisement, selon son habitude, d'entrer en conversation avec elle. Mais il s'était heurté à cette barrière infranchissable de morne désespoir qui semblait la séparer du reste du monde. Je doute même que la jeune bohémienne sut qu'il y avait un étranger avec eux. Elle parlait à John Andrews quand il lui parlait. Elle allait du moins jusqu'à répondre par monosyllabes aux questions qu'il avait répétées 3 ou 4 fois. Mais elle ne levait jamais les yeux sur lui et ne relâchait jamais un seul des muscles de ce visage de marbre qu'elle avait dans les jours d'orage comme dans les jours de beau temps, avec ses amis comme avec ses ennemis. Quand on la forçait de manger, elle mangeait. Assez pour ne pas mourir de faim et c'était tout. Elle ne dormait qu'épuisée par la fatigue et son sommeil était agité de rêves cruels qui lui faisaient éprouver des tortures atroces. Le soir où ils plantèrent leur tente au terme de leur voyage, John Andrews, pour la seconde fois, demanda le secret du désespoir de Britannia. « Vous aviez dit que vous me conteriez cela quand nous aurions été ensemble quelques jours, » dit-il à Abraham, « et il y a longtemps que nous sommes ensemble, donc je suppose que vous pouvez bien me le dire maintenant. » « Je vous la dirai, cette histoire, » répondit le bohémien avec force. « Quelquefois j'aime à la dire. Cela me semble bon. D'autres fois il me semble que la raconter, c'est se venger à demi de ceux qui nous ont offensés. Je vais vous la dire, John Andrews. » Les deux hommes fumaient leur pipe. Ils étaient couchés sur le sol, à quelque distance des autres bohémiens. Abraham se leva en parlant et conduisit son compagnon au bout d'une allée étroite, à environ 100 mètres des tentes, où se trouvait une barrière rustique. Il s'assit sur la barrière et fit signe à Andrews d'en faire autant. Celui-ci obéit, rebourra sa pipe et l'alluma, préparatif indispensable pour bien écouter le récit du bohémien. « Cette fillette là-bas est assez belle fille, n'est-ce pas, camarade ?» dit tout à coup Abraham. « Elle était bien plus belle encore avant que la nuit où les cruels événements se sont passés. Elle était bien plus belle encore avant que la nuit où les cruels événements se sont passés. » Mais ils n'ont pas été oubliés. Dieu sait qu'ils ne sont pas oubliés. N'enleva la couleur de ses joues et l'éclat de ses yeux. Elle était bien belle dans ce temps-là. Je le crois assez, dit John Andrews avec un peu d'impatience. Continuez. Elle ne ressemble pas plus à celle qui est perdue pour nous, reprit le bohémien avec une certaine chaleur, que les fleurs qui poussent seules dans les plaines, comme celles-ci ne ressemblent à celles qui sont plantées, soignées, cultivées dans les serres chaudes de vos belles maisons. Elle ne ressemble pas plus à sa sœur assassinée que la lanterne de la tente là-bas ne ressemble à l'étoile qui paraissait brillante juste au-dessus de nous. Pauvre fille, pauvre enfant assassiné. Assassiné. Voyez-vous, camarade, il y a des assassins qui ne se servent jamais de couteaux ni d'armes à feu et qui ne passent jamais devant aucun tribunal. Il y a des assassinats où c'est l'âme qu'on tue et non le corps. C'est ainsi qu'elle a été assassinée. « Je ne sais pas où vous voulez en venir, » dit le vagabond. « Je voudrais que vous fussiez un peu plus bref et que vous restassiez dans votre récit. C'est ce que je vais faire, brave homme, mais donnez-moi le temps. Il y a des paroles qui sont comme des coups de poignard et qui vous pénètrent au cœur, une à une. un coup séparé pour chaque syllabe. « J'arrive au fond du récit, » s'écria-t-il. « Quelque part en ce pays vit un beau gentilhomme. Si de beaux habits et une grande fortune pouvaient faire un beau gentilhomme, il le serait. Et si un cœur méchant, lâche, cruel peut faire un grand scélérat, il en est un. Quoi qu'il en soit, il est un des grands personnages de ce pays, et l'an dernier, aux courses, il conduisait sa voiture à 4 chevaux et avait une belle femme avec lui. Et le champagne coulait comme de l'eau, et lui et ses amis pariaient pour chaque cheval qui était engagé. » John Andrews avait écouté attentivement chaque parole de ce récit, et quand Abraham s'arrêtait, le vagabond s'écriait avec impatience. « Continuez, camarade, continuez !»« Je continue !» répondit l'autre. Rachel, celle qui est morte, la propre et unique sœur de Britannia, était ici aux courses de l'an dernier. Elle allait au milieu des voitures, disant la bonne aventure aux belles dames et aux beaux messieurs. Et elle avait gagné beaucoup d'argent avant la fin de la journée. Sa femme la remarqua parmi les autres et lui donna un souverain d'or pour qu'elle lui dise sa bonne aventure. Elle lui parla longtemps, avec bonté et douceur. Lui aussi la remarqua, non pas franchement et ouvertement comme les autres gentlemen, qui lui disaient tout haut qu'elle était plus jolie qu'aucune des belles dames de l'assemblée, et qu'elle méritait bien de trouver un bon mari. Il ne la remarqua pas de la même façon, mais il vint à elle sournoisement et avec ruse, et quelques-uns des nôtres l'entendirent lui parler et lui dire que si elle voulait, il lui donna une belle maison et une belle voiture. Elle s'éloigna de lui avec indignation, mais partout où elle alla, ce jour-là et le lendemain, il la suivit partout, jusqu'à ce qu'enfin il la retrouva près de sa voiture en face de la jolie dame, car elle savait que là, il n'oserait pas lui dire un mot. Quand les courses furent terminées, nous trouvâmes que nous avions assez bien fait nos affaires, car nous faisions bourse commune. Ni Rachel, ni Britannia ne gardaient seulement 6 pence de ce qu'elles gagnaient, bien qu'elles gagnassent plus qu'aucun de nous. De sorte que nous restâmes un jour ou deux pour nous reposer un peu et mettre tout en ordre pour un long voyage. Croiriez-vous que pendant ces 2 jours, chaque soir, ce scélérat errait autour de nos tentes, essayant de parler à Rachel? Et elle n'avait rien à lui dire, murmura John Andrews. « Non !» hurla le bohémien. « Pas elle, la pauvre et innocente fille. Plus d'une fille aurait été enchantée d'être remarquée par un gentleman comme lui. Plus une aurait trouvé difficile de refuser les beaux présents, bijoux et en argent auxquels elle n'avait jamais rêvé. Plus d'une fille de fermier l'aurait fait aller gentiment avec des agaceries, des coquetteries, et l'aurait retenue autour d'elle, et l'aurait montré à ses amis, et eût été fière de son empire sur lui. Quand même, elle aurait dû l'envoyer promener en fin de compte. Mais les bohémiennes ne sont pas ainsi, et elle ne fait rien de cela, la pauvre fille. Il me semble la voir encore quand elle revint à la tente un soir qui lui avait parlé. Ses beaux yeux, tout en feu, ses joues pâles et ses dents blanches tremblaient de colère. « Je crois que nous ne le verrons plus, » dit-elle. « Je ne crois pas qu'il revienne ici après ce que je lui ai dit ce soir. » Dieu lui serait venu en aide, la pauvre enfant, si cela avait été la dernière fois qu'il fut venu. Peut-être serait-elle encore avec nous. Nous étions un tas de fous, car lorsqu'on nous apprit qu'elle l'avait congédiée de manière à ce qu'il ne la suivît pas plus longtemps, nous la crûmes, et nous pensâmes, en ne le voyant pas revenir le lendemain soir, qu'il avait vu qu'il ne réussirait pas et que nous n'entendrions plus parler de lui. Mais il n'en fut rien. Hélas, non, reprit Abraham en serrant les poings. Il n'en fut rien. Nous ne savions pas ce dont un lâche peut être capable quand une fois il s'est mis quelque chose dans la tête. Le dernier jour que nous devions passer ici, Rachel demanda la permission de prendre 3 ou 4 shillings dans la bourse commune pour acheter quelques rubans pour orner un peu son joli visage. Il eût été dur de refuser cela à celle qui avait tant fait pour le gagner, de sorte que nous lui donnâmes la permission de prendre ce qu'elle voudrait. Elle prit environ 5 shillings et partit pour Chelton à 3 heures de l'après-midi. Brittany et moi nous lui promîmes d'aller au-devant d'elle. Dieu sait comment cela se fit. Mais je suppose que cela était dans la destinée et devait arriver. Il faisait particulièrement lourd ce soir-là, le temps était chaud. Je m'endormis jusqu'à ce que Britannia vint m'éveiller tout effrayé en me disant que l'heure à laquelle Rachel avait promis de revenir était passée et qu'on ne l'apercevait pas. Mon sommeil m'avait rendu stupide et lourd et je ne fis pas beaucoup d'attention à ce qu'elle disait. Je lui répondis que j'allais partir avec elle et que sans doute nous allions bientôt rencontrer Rachel. Vous connaissez la route d'ici à Chilton, camarade? Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une route peu fréquentée et qu'un fossé la borde tout du long. C'est sur cette route que Britannia et moi nous partîmes à sa rencontre comme il commençait à faire nuit. Nous ne la rencontrâmes pas et nous allâmes jusqu'à Chilton. Là, nous eûmes de ses nouvelles. On nous dit qu'elle était partie 4 heures auparavant et qu'elle l'avait vu se mettre en route pour rentrer. Voyez-vous, camarade, quand quelque chose de terrible doit vous arriver, tous vos sens sont comme aiguisés, et le moindre indice vous dit tout. Je devinais aussitôt qu'il était arrivé quelque chose à la petite. Je ne dis rien, à Britannia, et elle ne me dit rien non plus. Mais je voyais bien à son air qu'elle était aussi inquiète que moi, et qu'elle pensait que quelque malheur était arrivé à sa sœur. Il faisait presque nuit alors. J'empruntai une lanterne, non pas pour éclairer le chemin, car nous le connaissions bien. Et nous aurions pu le trouver quand même, il eût été 2 fois aussi noir. Mais je voulais une lanterne, et quand j'en demandais une, je vis que Britannia devinait ce que j'allais faire. Dès que nous fûmes hors de la ville, sur la partie isolée de la route, je m'arrêtai pour parler à Britannia. Elle avait marché à côté de moi tranquillement, mais elle était pâle comme un cadavre. « Britannia, ma fille, dis-je, allons regarder tout le long de cette haie. Rachel peut s'être trouvée fatiguée et s'être endormie quelque part. Les mots m'étouffaient à mesure que je les prononçais, car je savais bien ce que j'avais dans l'idée et ce qu'elle avait dans l'esprit pendant tout ce temps, bien que nous nous efforcions de n'en laisser rien voir. Vous savez, camarade, que le fossé ne borde qu'un côté de la route, de l'autre côté on est en rase campagne. C'est du côté du fossé que nous cherchâmes. Je tenais la lanterne que je laissais presque au niveau de l'eau stagnante et Britannia, qui marchait à côté de moi, regardait par-dessous mon épaule. « Eh bien ?» fit John Andrews avec impatience en voyant que le bohémien s'arrêtait court. « Eh bien ? C'était à peu près ce que j'avais pensé, » répondit l'autre. « À mi-chemin, à l'endroit le plus solitaire de la route, nous la trouvâmes étendue dans l'eau bourbeuse, roide et morte. Il y avait des empreintes de pas sur l'herbe le long du fossé, un pied d'homme et un pied de femme, et sur la route il y avait l'empreinte de pieds de chevaux. L'herbe était foulée, comme s'il y avait eu lutte, et un fouet de chasse brisé était resté dans les herbes tout près de là. J'ai toujours conservé ce fouet depuis, et c'était le sien. Je l'ai reconnu au manche en or ciselé, qui est de la même forme que son cimier. Britannia était comme une folle. Elle voulait aller le trouver chez lui immédiatement, bien que cela fût loin de Chilton, et l'accusait devant toute sa maison d'avoir tué sa sœur. Mais je lui dis que cela ne servirait à rien. Je l'envoyai chercher un des nôtres, et lui et moi nous portâmes la pauvre fille jusqu'à notre tente et nous l'y couchâmes, comme s'il était mort tranquillement dans son lit, avec tous ses amis autour d'elle. Le lendemain, je me rendis chez lui avec le fouet brisé dans ma poche. Je le vis se promener avec un de ses amis plus âgé que lui, et quand je lui eus dit mon histoire et montré le fouet, ils se mirent tous les deux à me rire au nez, et son ami me dit que c'était une frime pour lui extorquer de l'argent. Je voyais dans ma pensée la pauvre fille morte, et quand je les vis insolents et calmes dire qu'ils ne savaient pas ce que je voulais dire, et que j'avais sans doute ramassé le fouet le jour des courses où ils l'avaient perdu, je devins comme fou. Je m'élançai sur lui, et je l'étranglai à moitié, avant qu'on n'en pût parvenir à nous séparer. Je voudrais l'avoir tenu jusqu'à ce qu'ils m'eussent arraché membre par membre. Mais ils eurent le dessus, car ils me conduisirent devant le magistrat pour avoir attaqué un gentilhomme, et je fus condamné à 3 mois de prison. Mais nous nous reverrons cette année, et je lui ferai une marque qu'il portera jusqu'à la tombe, et cela avant qu'il soit longtemps. « Vous ne m'avez pas dit son nom ?» dit John Andrews. « Peu importe son nom, » répondit l'autre. « Mais je veux savoir son nom, » répondit le vagabond avec un empressement étrange. « Et si vous ne voulez pas me le dire, je vous le dirai moi. »« Vous ?» C'est qu'Abraham, comment le sauriez-vous ? Il s'appelle Sir Rupert Lessel, répondit Andrews, et habite au château de Lesselwood, à environ 9 000 d'ici. Et l'ami que vous avez vu était un gros homme en gilet jaune, avec des chaînes d'or autour du corps et des moustaches jaunes sur son infâme bouche. Il s'appelle celui-là Granville Varney, et c'est le plus profond scélérat que la terre ait jamais porté, s'écria John Andrews, dont la voix s'élevait à chaque mot, et finit par devenir un cri féroce. Malédiction sur lui ! S'écria-t-il en brandissant son bras au-dessus de sa tête. « Mais, camarade, » dit Abraham étonné, car sa colère n'était rien auprès de la fureur de cet homme étrange. « Camarade, que veut dire ceci ?»« Ceci veut dire que vous et moi nous sommes amis et frères dès ce moment, » dit l'autre, « et que cette jeune fille, Britannia, est ma sœur, car nous travaillons tous dans un même but. Et quant à l'autre, » dit John Andrews en se parlant plutôt à lui-même qu'au bohémien, « quant à l'autre, si je tenais le jeune chien sous mon talon ce soir, je lui écraserais la mâchoire, ainsi qu'à son maître. Dieu sait que je n'ai jamais eu grand amour pour lui, qu'il ne compte pas que je l'épargnerai. » Quand les deux hommes rentrèrent aux tentes, John Andrews marcha droit à l'endroit où Britannia était assise et l'embrassa au front. J'ai dit que le vagabond n'était en aucune façon séduisant, et malgré sa distraction, la bohémienne recula indignée de cette familiarité. « Il en tient aussi contre ceux que vous savez, fille, » dit Abraham. « Il ne reculerait pas s'il fallait le tuer, je pense, si j'en juge par l'état dans lequel il était tout à l'heure. »« Vrai ?» dit la jeune fille en tendant ses lèvres brûlantes. « Embrassez-moi alors, embrassez-moi, car nous sommes bons amis. »